Bienvenue dans ce 13e épisode. 13, ça fait peur, et justement, la peur, c'est un bon moyen d'arrêter le hockey, mais ça n'est pas le seul. Je vous en propose plein d'autres dans cette émission. Podcast du blog moptimise.com, je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Moptimise. Aujourd'hui, je vais changer un petit peu, on va pas du tout parler tech, on va pas parler développement professionnel. On va parler life hacking pur et dur et on va parler du hockey. Et des mille et une méthodes qui existent pour essayer d'arrêter le hockey. Donc le hockey, qu'est-ce que c'est ? Le hockey, c'est un réflexe respiratoire qui est caractérisé par une succession de contractions respiratoires spasmodiques, incontrôlables et involontaires. Ça c'est la définition, et c'est suivi d'une constriction de la glotte qui va limiter l'arrivée d'air et qui provoque une vibration des cordes vocales, c'est le fameux hic, qui est lié au hockey. Le plus souvent, le hoquet, c'est lié à une dilatation de l'estomac qui est située près du diaphragme. Et on observe cette dilatation de l'estomac dans plusieurs cas. Après un repas trop copieux ou ingurgité trop rapidement. Dans certains cas, lorsque l'on fait de l'aérophagie. Après un repas ou une boisson très froide ou très chaude. Ensuite, on a un tabagisme excessif qui peut provoquer du hoquet. Il peut y avoir des causes psychologiques. Un excès de rire ou de toux peut également provoquer le hoquet. Et dans les derniers cas, la grossesse, les femmes enceintes ont tendance à avoir un petit peu plus facilement le hoquet. Et le hoquet, donc, il existe plusieurs nerfs qui sont liés au diaphragme, qui sont situés à proximité. Et certains donc s'appellent les nerfs vagues et les nerfs phréniques. Et ce sont ces nerfs qui, lorsqu'ils sont irrités, déclenchent le hoquet et donc vont provoquer ces contractions respiratoires spasmodiques. Voilà pour la partie un petit peu description de ce qu'est le hoquet. Et ensuite, j'ai sélectionné quelques astuces pour arrêter le hoquet, que soit que j'utilise, soit que j'ai trouvé de ci, de là. N'hésitez pas à venir partager dans les notes de l'émission sur Facebook, sur Twitter les méthodes que vous utilisez, qu'elles aient été décrites ou non dans l'émission. Le premier, il s'agit de retenir sa respiration et de se mettre les doigts dans les oreilles, parce que les nerfs vagues sont également présents au niveau du système auditif. Et donc, les stimuler en créant une pression au niveau du système auditif permet d'arrêter le hoquet. J'avoue que c'est pas une méthode que je pratique, mais ça peut être intéressant. La deuxième méthode, quelqu'un vous fait peur. Donc, bien sûr, il faut pas voir la chose arriver, hein, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc ici, le but, c'est juste d'effectuer une distraction suffisante pour submerger le nerf vague avec un stimulus qui est, lui, lié à la peur. Et donc, le nerf vague va arrêter de causer ces contractions respiratoires que sont le hoquet. Le troisième, c'est le remède que moi, je pense être le plus connu. C'est celui de boire un grand verre d'eau. Donc, moi, c'est celui que j'utilise. Ça permet d'interrompre le cycle du hoquet. Visiblement, ça fonctionne mieux chez les enfants que chez les adultes, qui doivent parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour que ça fonctionne. Et il y a une variante qui est de faire glou glou glou glou glou avec l'eau dans la bouche avant de l'avaler. Je pense que ça permet de bloquer la respiration un petit peu longtemps, ce qui aide à arrêter le hoquet. Ensuite, j'ai trouvé une technique, je sais pas, un peu pour moi un peu curieuse, qui est de s'asseoir sur une chaise en faisant voilà. Celle-là, j'avoue que je la connais pas du tout, donc s'il y en a qui la pratiquent, vous pouvez m'expliquer comment vous faites, parce que je vois pas forcément la façon dont ça fonctionne. Ensuite, j'ai la technique que ma compagne utilise. C'est une technique où on met une cuillère de sucre ou un gros morceau de sucre sous la langue jusqu'à ce que la salive ait tout dissous. Et visiblement, ça stimule le nerf vague et ça fonctionne plutôt bien. J'avoue que quand j'ai bu 3-4 verres d'eau et que ça n'a pas fonctionné, j'essaye cette méthode-là qui, en général, est assez efficace aussi. Après, je vous ai trouvé une méthode qui est éventuellement un peu cruelle, qui consiste à boire une cuillère de jus de citron ou de vinaigre. Ça permettrait de stimuler le nasopharynx qui relie l'arrière du nez à l'arrière de la bouche, et ça va ensuite stimuler par une réaction en chaîne le nerf vague. Moi, petit conseil que je vous donne pour ça, derrière, c'est de bien vous rincer la bouche, parce que le vinaigre et le citron, c'est acide, et donc c'est pas très très bon pour les dents. Une des dernières méthodes que j'ai trouvées, c'est plus pour les Nord-Américains ou les Américanophiles, c'est le beurre de cacahuète. Donc il paraît que c'est efficace pour le hockey. Il va falloir que je teste lors de mon prochain hockey. La texture et le côté sucré et pâteux, ça aiderait à relâcher le rythme respiratoire qui est erratique pendant le hockey. L'avant-dernier, le hockey, c'est aussi lié à une diminution du dioxyde de carbone dans le sang. Donc là, pour aider à rétablir un niveau de dioxyde de carbone un peu plus optimal, il est conseillé de respirer quelques minutes dans un sac en papier, un petit peu comme quand on fait une crise de panique. Donc utiliser la technique du sac en papier. Et dernière méthode sur lesquelles je vais pas forcément trop m'impliquer ou m'étendre, il est possible d'utiliser l'acupuncture ou l'homéopathie pour le hockey, mais dans ce cas-là, je vous conseille un minimum un suivi médical avant de vous lancer. Conseiller un médecin acupuncteur ou homéopathe avant de vous lancer. Et donc pour conclure, rassurez-vous, votre hockey ne va pas durer très très longtemps avec votre technique de préférence, ça devrait passer assez vite. Si ça dure un peu longtemps, bah vous aurez le temps de toutes les essayer, hein, et de décider laquelle fonctionne le mieux avec vous. Mais surtout, dites-vous que votre petit hockey, c'est rien du tout à côté de celui d'un certain Charles Osborne qui a hockey pendant 68 ans. Donc, pauvre homme, parce que le hockey, c'est quand même pas... sur la durée, c'est quand même pas très agréable. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le hockey et toutes les petites astuces que j'avais pu glaner pour vous. Donc n'hésitez pas à réagir sur l'émission, à me donner vos techniques que j'ai mentionnées ou pas mentionnées pour arrêter le hockey dans les notes de l'émission sur le site moptimize.com, sur la page Facebook Moptimize, sur le compte Twitter @moptimize. À bientôt.